Concepción apporte le gigot avec des haricots blancs, des haricots verts et des pommes de terre sautées comme légumes. Je crois que je vais vous servir, ce sera plus simple. Ah, le quenelard, bien cuit ou saignant? Bien cuit, s'il vous plaît. Tiens, Mireille. Tu veux te servir du haricot? Robert, servez-vous des pommes de terre, si vous voulez. Avec le rôti, M. Courtois sert un Bordeaux rouge, un Léoville Lascazes 1966, que tout le monde goûte dans un silence religieux. Mmh, le gigot est sans mieux. J'ai un petit boucher qui me sert très bien. Il a toujours de la très bonne viande. Après le plat de viande, la salade. Robert, un peu de salade? Après la salade, le fromage. Et avec le fromage, un Bourgogne rouge, un Chambertin, Clos de Beige, 1976. Repas simple, mais bien composé, qui se termine par une crème renversée. Attention, attention de ne pas renverser la crème renversée. C'est le plaisir préféré de Mireille. Concepción apporte le gigot. Qu'est-ce qu'on sert après le poisson? Le gigot avec des haricots blancs, des haricots verts et des pommes de terre sautées comme légumes. Alors, Monsieur Taylor, ce gigot, bien cuit ou saignant? Bien cuit ou saignant? Bien cuit. Mireille, tu te sers de haricots? Tu te sers de haricots? Mireille, tu veux te servir de haricots? Robert, servez-vous. Servez-vous de pommes de terre. Robert, servez-vous de pommes de terre, si vous voulez. Monsieur Courtois sert un Bordeaux. Un Bordeaux rouge. Avec le rôti, M. Courtois sert un Bordeaux rouge. M. Courtois sert un Bordeaux rouge que tout le monde goûte dans un silence religieux. Après la salade, le fromage. Qu'est-ce qu'on sert après la salade? Le fromage. Et avec le fromage, un Bourgogne rouge. Attention à la crème renversée! Attention! Attention de ne pas renverser la crème renversée! À la crème renversée, c'est le dessert préféré de Mireille. Pourquoi Madame Courtois sert-elle une crème renversée? Parce que c'est le dessert préféré de Mireille. Monsieur Courtois organise pour Robert un tour de France touristique et gastronomique. Il faut aller à Avignon. L'ancienne capitale des Gaules. Ancienne capitale des Gaules, c'est surtout la capitale gastronomique de la France. Vous y mangerez magnifiquement. Si on passait à côté pour prendre le café. Et puis, il faut aller en Bourgogne, à Dijon. J'y ai mangé un jour des œufs brouillés aux truffes. Oh, oh, oh. Une merveille. Ah, et en parlant de truffes, il faut absolument aller en Dordogne. Oui, c'est très beau. La vallée de la Dordogne, le Périgord. C'est plein de grottes préhistoriques. Lascaux, les Vésis. Oui, c'est intéressant si tu veux, mais pour les truffes, les foie gras, les confits d'oie, les cèpes, vous trouverez pas mieux. Tenez, Robert, goûtez cet Armagnac. Je crois qu'il vous plaira. 50 ans d'âge, vous m'en direz des nouvelles. Si on passait à côté, pour prendre le café, est-ce qu'on prend le café à table? Non, on passe à côté, au salon. Il faut aller en Bourgogne, à Dijon. J'ai mangé un jour des œufs brouillés aux truffes. Une merveille. Qu'est-ce que M. Courtois a mangé une fois à Dijon? Des œufs brouillés aux truffes. Ah, et en parlant de truffes, il faut absolument aller en Dordogne. Pour les truffes, les foie gras, les confits d'oie, les cèpes, vous ne trouverez pas mieux. Où trouve-t-on les truffes? En Dordogne. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en Dordogne? Des foie gras, des confits d'oie, des cèpes. Goûtez cet Armagnac. Tenez, Robert, goûtez cet Armagnac. Il vous plaira. Je crois qu'il vous plaira. Tenez, Robert, goûtez cet Armagnac. Je crois qu'il vous plaira. Vous m'en direz des nouvelles.